Bonsoir. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net et il pleut dehors. Et c'est nuisance. Avec un peu de retard, je me l'accorde. Non, c'est vrai quoi. Pas être à l'heure ici non plus, hein. Faut pas exagérer. Chose à foutre. Ouais, donc Nuisance, c'est une émission qui nuit au sens, c'est une émission de toutes les nuisances. Ça commence bien. Ouais, donc vu que j'ai commencé en retard, je vais perdurer un peu plus longtemps. Voilà, c'est comme ça ici. Donc Canal Sud, radio libre ou mourir. Nous aurons droit donc aux répétitives sanctions. Et de toutes les lasures. Que nenni. Pour ceux qui comprennent pas ce qui se passe, je suis en train de m'installer en fait. Ouais, parce que j'aime pas les bandes qui tournent en général, donc je m'installe. Moi, j'aime rien. Voilà. Je suis comme ça, moi. On a beaucoup de chance. On a un ventilo avec nous ce soir. Beaucoup de chance. Donc nous sommes le 27 juillet, si je ne m'abuse, 2012. Bientôt la fin du monde, promise. En décembre 2012, on n'y manquera pas. Chouette. Voilà. Pour ce qui est du cataclysme, on attend que ça ici. Hein les gars? Ouais. Voilà, vous voyez? Je ne suis pas un menteur. Nous méritons tous la mort. Un jour, nous la méritons. C'est un droit. C'est un droit. Puisque mourir c'est un droit, on va essayer d'écouter mourir un morceau de moi-même en la majeur médius mineur. et je me servirai un verre. J'ai réussi. C'est que d'un, on part mourir ce soir. Il y avait une ferme avec des hectares de nids. Cherche. Personne n'a osé dire des choses pareilles. Bac Lafont. Ah bah déjà, ça nous tient de ce genre. Et quand on pose des questions de ce genre, on obtient que les réponses sont toujours. You are about to experience a totally new dimension of sound. This is where you don't understand what's happening. It's horrible, ain't it? Recording with a noise difference too. continuing though. History continues with no relief in sight as residents brace for the 21st day of Lent. Extérieur du Breath of the Dead again. Fuck it. Rat. Purulence. Destruction. Favors the poor. Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Téléphone le 05 61 53 36 95. 21h à peu près 23h tous les vendredis, c'est Nuisance. Nuisance, l'émission bruitiste. Bruitiste. S'il en est une à Toulouse, j'espère qu'il y en a d'autres. Je suis pas au courant. On tape. Peut-être. Ready for shit. Shit is like fucking, you know. Fucking sucks. Shit sucks. Fucking shit sucks. Shitting fuck sucks. So what is it gonna be tonight? What is it gonna be? Certainement pas ça. Certainement pas la vie. Certainement pas l'amour. Pour que tu m'écrases, on va se retirer. C'était génie. Je serai la forêt première, l'algue des origines. Tu veux pleurer, tu veux venir, comme couronne la crêpe patiole. Lumière du ciel, hiver, ne sais-tu pas que les doigts sur un fond font un chant de Noël et qu'une bouche dans la douceur du cul peut faire jaillir le long des douleurs. Le plus joli de Bondy. Et on a beaucoup parlé ensemble sur la signification de ce joli. Elle n'est pas la seule à chercher le ce joli. C'est important. le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les vieux sont mal. Je crois que c'est un autant et puis c'est un art de vivre avant tout, quoi. Voilà, et ça, c'est un petit peu ce que je pensais. Et de nostalgie un petit peu aussi. On a envie de la recréer, hein, cette nostalgie qu'on a perdue. Nos parents sont plus à fond sur du 60, 50, 70. Et nous, ça va être recréer des sons des années 80, quoi. Sans le vouloir, quoi. On fait pas exprès, mais en même temps, c'est pas juste de la redite, c'est s'approprier quelque chose et le faire sien, et puis essayer d'en vivre aussi, quoi. I'm talking shit about you. Fink, guitare acoustique, chant. De dépressif connard au bout du micro qui s'encule tellement il s'encule, je lâche dans le cul. Il prend le derge dans le cul, il prend le derge dans le cul. Il prend la foutrasse de merde dans le cul et va se faire enculer pour une bite dans le cul de bouche de foutre, dieu de merde, encul race de chiotte. Thank you. Nuisance sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, l'émission de toutes les nuisances, l'émission qui nuit au sens. Fuck this shit. So fucking cool, you know, like Muses is the coolest fucking show, fucking, you know, fucking, you know what I mean, fucking nuisances, you know, what a fucking nuisance, you know, that's what I'm talking about, see what I mean? Ah bordel, c'est quoi cette merde? Mesdames et messieurs, c'est l'horreur pour tout le monde. La vie c'est de la merde, crever c'est bon, ça, l'abcès purulent que je suis, ouais c'est bon, ah ouais, c'est toujours ma faute, hein, de t'enculer, bâtard, va te faire sucer le mou par une société pourrie. puante du fric et de la lasure. Ça fait du bien. L'inconfort, c'est cool. L'inconfort, c'est trop cool. Okay now, this is noise, this is not music. Fuck us, fuck them, fuck everybody, fuck you, fuck me, huh? Who gives a fuck anyway? No one there anymore. No one. Just things walking around like zombies. Dead already. They get out of my head this way. They go into you, they eat your brains out. Mourir, mourir. Ah ouais, c'est bon ça. Ah ouais, tue-moi encore. Bordel de merde, cette merde là. Mais vous croyez être tranquille en allant à votre boîte de merde pourrie, en mangeant votre sandwich ou je ne sais quel restaurant pourri de merde avec votre fric et toute cette merde? Mais crevons les abcès purulents que nous sommes, crevons-les. Nous ne sommes que de la merde pourrie, par la vie qui pue, humaine de chiottes. Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Canal Sud n'est pas responsable des propos de ce producteur. Nuisance est une émission qui nuit au sens, une émission d'expression libre de toutes les nuisances. Yeehaw! Ouais! Allez, ouais, vas-y, ouais! Allez, Robert, Roger, bidule, machin! Vas-y! Pousse à fond! Ouais! Ça a bon dos. c'est tout qui a bon dos, t'as rien compris toi. Ferme ta gueule. Enculé. Ah ça ira, ça ira, ça ira. Les fachos à la poterne. Chaud, leur peau, on l'aura troué avec un gun, ouais, plein de guns même. Tout ce qu'on veut, c'est des guns pour tuer les fachos. Tuez-les, ouais, tuez-les, ouais, tuez-les, ah oh, ouais, fachos, t'es les fachos. Sale skin, tu pues du cul. C'est pas ça qui importe, tu vois, ce qui est important c'est de pouvoir s'exprimer dans la vie. Ta gueule! Ferme ta gueule, c'est une question de respect. Je dirais même plus. C'est une question de respect, ferme ta gueule. Yeah, yeah baby. What it's about, this is what dying is all about. It's horrible, you know. See what I mean? Fuck this shit, I'd rather die already. That's what it's all about, you know. C'est à propos de ça, nuisance, tu vois, c'est la mort, hein, elle tue, ouais, hein, ça tue la mort, ouais, ça tue, ouais. La mort, ça tue. Fumer, ça tue, ouais, fumer, ça tue. Ça tue, ouais. Et mourir, ça tue, ouais. Et vivre, ça tue, ouais. Ah oh, putain, baiser, ça tue, ouais. Bouffer, ça tue, ouais. Prendre la voiture, ça tue, ouais. Faire du bowling, ça tue, ouais. Et pendant ce temps-là, on se fait des gros nénés en silicone avec un cul en botox comme les lèvres. Sur le thème de nous chantons celtique en Bretagne ou en Normandie. T'as pas dit une connerie là par hasard? Si, une grosse connerie, j'en ai rien à foutre, t'entends? C'est une histoire de foutre. Nuisance, c'est une histoire de foutre. Dans la gueule, tu vois. C'est comme de la merde que tu t'étales sur le front et tu te dis, regarde, c'est ma marque de naissance, c'est mon grain de beauté à moi, tu vois. La vie, c'est comme mon grain de beauté, t'as vu ce que je veux dire? Et ensuite, il y a la façon marrante de le faire. Mais bon, je suis pas spécialiste. Le grain de beauté, je veux dire. Juste le faire de façon marrante, tu vois, en rigolant. Laisse tomber mec, tu comprendras jamais, t'es pas assez intelligent. Est-ce que t'as déjà lu un bouquin à part Oui, fais du bateau en avion? Eh ben tu peux rien comprendre à ça alors, ça c'est de l'art tu vois. Moi je fais 1m76, ça veut dire que je suis grand. Je suis un grand artiste. en fait c'est petit 1m76. Je suis un petit artiste. Peut-être que je suis moyen en fait. Je suis un artiste moyen, tu vois. Salut, moi je suis moyen en tout. Ah ouais, t'es une bonne moyenne quoi. Ouais, c'est ça. J'ai eu la moyenne. Ah ouais, t'as la moyenne genre en tout quoi. Ouais, sauf en culture et en merde de cul aussi, je me torche trop vite, faut que je me soigne. Ouais, j'ai une maladie du cul, je me torche et je regarde ma merde sur le PQ après, tu vois. Ah, c'est grave, ça vient de ma mère et de mon père qui m'ont regardé quand je me suis torché le cul quand j'étais gamin, tu vois, c'est leur faute. Parce que c'est toujours la faute des gamins après tout. Merde quoi, c'est la faute des parents un peu. Allez, parents, faites des gamins, comme ça ce sera votre faute à vous. Chouette. Chacun son tour. On prend la faute sur soi et chacun son tour. On prend la faute sur soi et chacun son tour. On prend la faute sur soi et chacun son shit, just singing in the shit. What a shitty feeling, it's really full of shit. It's shitting in my face, I hate so much this paste. Or this paste is going on and I'm languishly dying. Cool man, I'm finally dead. Venons d'écouter l'opus 24 B66 WXKZ 61K LV5 26 12 81 page 3. Nous allons à présent écouter l'opus 246 B12 24 56 1 45 tiré alinéa B 64 article 12 du code premier. Ça s'intitule Va te faire foutre. Va te faire enculer, comme tu veux. Et c'est Bach qui l'a composé. Va te faire passer ton bac en pustule. Enculé de sale race, de toi, moi, à... T'es qu'une merde. 3 points de suspension, 1 point d'interrogation, 1 point d'exclamation, des points de suspension encore, et merde, il faut que je recommence. C'était vraiment que de la merde ce que je viens de faire. Signé Jean-Sébastien Bach, va te faire enculer. It's a code, man. It's just a code. C'est un code binaire qui commence en ternaire jusqu'à foison. À ne plus pouvoir se éterniser sur la lenteur. Et pendant ce temps, la Terre tourne ses rondeurs atrophiées par le ciboulot. What a horrible story. What a horrible little story. What a vile story. What a disgusting little story. What a fucking little stupid fucking disgusting stupid fucking glorious unglorious stupid fucking story, you know. It's disgusting, it's vile. It's vile, c'est vil cette histoire là. C'est dégueulasse. ça donne envie de gerber, ça me donne du foutre au nez, j'en ai envie de crever, putain ça pue, c'est vraiment que de la merde. Ah, je vais me faire chier ce soir dans Nuisance, 92.2 FM Canal Sud, Nuisance, l'émission de toutes les nuisances. Merde. Merde à vous. Merde à nous. Merde. Ça fait mal au cul. Ça fait mal au cucu. Non mais oh, t'as pas vu là-bas, y'a un gros trou dans le cul, je suis des bâtards de merde. Va te faire foutre, va te faire foutre, t'es qu'une merde qui pue, ouais. Tu pues la puce, tu purulente de merde, enculé de race pourrie. Bouge pas à me faire enculer. Ça ira mieux, connard. Ça y est, ça fait 20 minutes que c'est fini, Nuisance, donc je vais arrêter. Hein. Ça y est, j'ai arrêté. Si, si. Si, si, j'ai arrêté. Ça, c'est les bandes de nuit qui passent, là. Aucune différence, je sais, mais c'est quand même ça. C'est pas moi, c'est pas ma faute, c'est la faute aux autres. Vous voyez ? Parce que c'est jamais la faute aux uns. C'est jamais la faute aux zinzins, c'est toujours la faute aux autres. Après tout, c'est la faute aux fous, c'est leur faute. C'est pas leurs parents, c'est pas l'environnement, c'est eux. Il faut qu'ils changent. Qu'on les prenne, qu'on les retourne et qu'on les prenne encore et qu'on les retourne plus, jusqu'à les prendre par le dos, jusqu'à la fin de leur jour. Les fous, c'est la merde. Et cette merde, il faut qu'on essuie de notre godasse tous les jours. Vous entendez ? En les foutrant dans la zonze. Spiritus Sancto et Domini Filippatui. Pater Nostra, Nostradamus. d'années. Fatras d'immondices, purulents. Bienvenue aux nouveaux arrivants, vous avez découvert l'émission Nuisance et vous redécouvrez la vie après cette expérience. Phénomène pétale va te faire enculer. Ensuite le foutre, toujours le foutre Dieu, on en parle tellement, on le voit jamais si peu. Et les vis, serrer les vis, toujours, car c'est la crise. Crise financière, nous sommes au bord du gouffre, nous allons tous crever à cause du fric. Tiens, c'est marrant ça. Je m'y attendais un peu. Mais t'es qu'une merde. Oui, mais c'est toi la merde. Non, c'est pas vrai. C'est pas moi, c'est toi. Eh ben va te faire enculer alors. Ah bah toi d'abord. Bah non. Laissez-moi finir. Je me prends où? Have you said this? I don't know. Qu'est-ce que tu me racontes? Broil n'était pas dehors. Il l'a arrêté à l'hôtel Vaughan. This is rubbish, man. This is Ruben taking a fist at you. Me, I mean. This is violent stuff, you know. This is the hardest stuff there is. This is Coca-Cola. This is the crappiest shit you've ever bought or ever sold on a stupid video fucking game channel, you know? Coca-Cola is the fucked up, fuckedest fucking chicken to your bowl in your asshole. Ce que je viens de dire, c'est que la merde, ça pue toujours, le trou du cul de l'enculé qui le chie, là, je veux dire. Comme d'habitude, nous sommes sur une ère de repos. Reposons-nous donc jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin des temps. Et comme je disais tout à l'heure, je dis, allez vous faire enculer, c'était pour moi. Allez vous faire, monsieur, moi, enculer. Non mais, pas tout prendre à la lettre. C'est comme là, ils ont tiré 25 fois sans recharger, c'est pas possible. C'est pas possible. Ok. You can't have my son. I feel your grief keenly, Molly. But you agreed to the Molly is a fucked up individual like me. Oh, Molly, I want you to. The game was, as you say, the way I'm thinking you. Since I believe that long drawn out farewells only add to the pain. I'd rather see my seaweed on the sea strip dying. Dying on the clumsy, fucked up, wishing well, wishing list, I mean, oh well, well, fuck it anyway. Residents of Little Tall, I thank you for your attention to my needs, and I now declare this meeting at an end, with a suggestion that the less you say to the outside world about our arrangement, the more happy you are apt to be. Although, of course, such matters are ultimately up to you. With that, I'll take my new protege and leave you to your thoughts. May they be happy ones. Crevez. Crevez les absents. Crevez les absents purulents que vous êtes. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes avec nous. Nous sommes ce que vous voulez avoir grâce à nous. Vous aurez tout. Nous sommes tout pour vous. Je me prénomme. Le monde est à personne. Le monde n'est à personne. Il n'y a rien d'autre qu'il est. Le monde, c'est le monde, c'est tout ce qu'il y a. T'as compris ? didn't. Who did? No one. She died. She just slipped away. Slipped away? Slipped away? Didn't just slip away? You did it! This is a misère. C'est une misère. Le monde, c'est une misère. Il vaut mieux crever la table avec du Coca-Cola et de la boisson. Il faut renverser. Il faut absolument que je renverse le verre sur la table de mixage. C'est maintenant ou jamais. Ça y est, c'est fait. This is another world. This is another world. Ceci est un autre monde. Ceci est un autre monde. Pour les millions de dollars que Mike a demandé. Les chefs refusent pour l'instant. Comment ? Si je comprends bien, Mike va se faire descendre ? Ouais ! C'est d'avoir à se battre pour ça. Il s'agit de coincer toute la bande. On va vous les rendre de toute manière. Vous oubliez qu'il y a un précédent. À Hong Kong, on vous a prêté 5 millions pour coincer une bande. Je m'en fous. Merde, je vais le sortir de là. Hé, on pense. Ils vont vers le parc. Vous oubliez qu'il y a un précédent. À Hong Kong, on vous a prêté 5 millions pour coincer une bande. Je m'en fous. 5 millions pour coincer une bande. Je m'en fous. 5 millions pour coincer une bande. Je m'en fous. 5 millions pour coincer une bande. Je m'en fous. 5 millions pour coincer une bande. Je m'en fous. 5 millions pour coincer une bande. Je m'en fous. 5 millions pour coincer une bande. Je m'en fous. Bon, c'est à peu près le moment où dans l'émission je dis allez vous faire enculer, allez vous faire foutre, vous êtes vraiment que de la merde, on mérite de crever, j'éructe. Et je flatule en douceur. Je ne le ferai pas ce soir. Flatulerai en douceur. Je flatulerai en dureté. Silence has many names. Le silence a de nombreux noms. Certains, le silence, les bruits. Pour d'autres, le silence est son. Pour vous, je m'en fous. Pour moi, je m'en contre-branle. Je m'en contre-branle. Allons tous nous faire enculer. Wouh! Ignorance is much as the mouth. I'd rather choose than be ignorant. I wanna see something. I wanna be it. I wanna kill it. Je veux tuer le monde. Pas vous? Eh bien, vous êtes bien loin de moi. J'ai perdu le monde. Dans les foisonnements intérieurs, les méandres de la pensée sont neutres. Neutreusement, neutrement, con, assez. Alors merde, merde pour toute cette éternité. Faire enculer. Encore et encore. Nous faire baiser. Ouais. Ouais. Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est l'émission Nuisance qui va bientôt, peut-être, un jour, finalement, enfin, toucher à sa fin. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. risquer de la mort, on l'aura toutes et tous. Un jour. Ou une nuit. Ou une nuit, pardon. Nuisance n'est pas à propos de mort, non, non, c'est à propos de la vie. On pourrait croire comme ça, mais... Voilà. Mais... Allons tous nous faire foutre. Foutre Dieu, même. Fichte. Crénom de nom. Bon sang. Bonsoir. De merde. Putain. De chier, j'encule. Ma merde. Avec ma grosse petite bite. Moyenne de merde qui pue maintenant. Du cul. La vie n'est que gloire et beauté. Et la merde, c'est de la merde. Toujours, ça reste la merde. Alors que faire? Que faire à part choisir la merde ou la mort ou la vie? Tout ça, on ne saura pas, quoique si. Mourir, un jour c'est la gloire de l'éternité. Un jour mourir c'est bon, un jour mourir, enfin. Ouais, ouais, crever, bordel de merde, putain, ça y est, je vais crever un jour, enfin. Putain de merde, enculé de race de pourri de chiotte. Je vais pouvoir me reposer. Ouais, après la mort, c'est la vie, enfin. Ouais, il y a du travail à faire. Hein. Et c'est à ce moment-là que je brode. Alors vous m'entendez en train de tripoter un espèce de machin. Et je me dis que la vie c'est de la merde. Et qu'il faudrait mieux crever, ou peut-être crever les merdes, les enculés, de la sale race de cons, de merde enculée, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Alors, que faire? On pourrait se le demander, mais à quoi bon, finalement? À quoi bon? À quoi bon se le demander, donc? Ah oui, c'est vrai, il est à peu près presque minuit, peut-être. Sur les ondes du 92.2 FM, canalsud.net, Yen. Téléphone, le 05 61 53 36 95. Je répète, le 05 53 61, pardon. 05 61 53 36 95. Une adresse, le 40 rue Alfred Duméril, au 31 400 Toulouse. C'est donc Canal Sud, dans ses locaux, entre autres. Oui, donc comme je vous expliquais, j'étais en train de tripoter mon matériel, c'est passionnant. Thank you. Bienvenue, il est interdit de fumer dans les lieux publics, dans toute la France. Vous avez bien compris ? Interdit, il est également interdit de parler mal de la guerre sainte en Iran. Voilà. Il est interdit de montrer son zgeg aux gamins. Et il est interdit de fumer dans les lieux publics. Il est interdit. Interdit. À qui ? À quoi ? T'interdis ? Bienvenue dans l'émission Nuisance, l'émission qui nuit au sens. L'émission de toutes les nuisances. Sonore, entre autres. Sonic, nick, nick. Ni tête, ni tête. Thank you. Merci de votre attention. C'était Nuisance, l'émission de toutes les nuisances. L'émission de toutes les nuisances. L'émission qui nuit au sens. Ça y est, j'y suis. Moi, c'est Al. Et la radio, c'est Canal Sud, 92.2 FM ou canalsud.net. Téléphone le 05 61 53 36 95. Une adresse, le 40 rue Alfred Duméril au 31 400 Toulouse, France. Terre. Je vous laisse avec la programmation inhabituelle de Canal Sud.